le rassemblement, selon les pacifiques, 2000 personnes réunies devant le tribunal de Bovigny réclamant justice pour Théo. Le jeune homme de 22 ans, grièvement blessé lors de son interpellation il y a 9 jours, est toujours hospitalisé. Mais des incidents ont éclaté, jets de pierres, voitures incendiées. Et ce soir, la tension est encore montée d'un cran. Je marche dans ma ville, en T-Max, en Gamos. Je suis à Madinina, devant moi des gros thermas qui bougent. Je marche dans ma ville, la tête ronde, en T-Max, en Gamos. Tu peux me voir baronne. Je suis à Madinina, y'a de l'alcool des nanas, devant moi des gros thermas qui bougent. Ok, je démarre. Et je tire une table de weed, très vite je le donne à Biggie. Qu'est-ce qui me démarre là, je suis qui, je vais me le faire. Ami devient ennemi, t'as moins de potes car tu grandis. Vis dans le hlel ou vide bandit, c'est la meuf. Parano, parano, audition dit pas à moi. Elle te demande d'être fidèle, réponds-lui j'ai pas l'anneau. Je veux la carrière à Walano, me noter dans le Berlingo. J'ai déjà calé le bigo, bah ouais amigo, faire tout pour des billets. Des criminels, sans le savoir, j'fais la bise à des gros bandits qui brassent au max de barre. Tout ta marchandise, j'suis trop parti, c'est un pack de gars sur le pare-brise. Tu casses, tu payes, allez par la carte grise. Nos vies, c'est pas GTA, tu veux savoir j'étais où? Bah hier j'étais au Comico, aujourd'hui j'suis en GTI. Bang bang, allez cavaler, rentre au zone sur tes cavani. Y'a le calibre pour les baguettes, ta merde, bah tu vas raguer.